À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le Parti communiste tchécoslovaque a inséré dans leur homepage Internet le texte intégral de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un. Le grand président Kim Il-sung est l'éternel leader de notre parti et de notre peuple.